Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Tenny. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, Tenny, c'est maintenant sur Skyrock. Passez une bonne soirée, c'est parti. Nouveau Planet Rap, deuxième soirée avec Tenny. Salut Fred, t'es toujours en vie, ça va? Oui, je te remercie, j'ai passé une sale soirée à cause de tes conneries hier. À cause de ce jeu débile en fait, action ou vérité. Écoute, hier j'ai eu le droit à mon action. Aujourd'hui t'as droit à ma vérité. Non, action, oh, ah bah non. Non, ma vérité. Bah non. J'ai trop peur. Action, non, un petit truc léger en action. Léger. Allez, ouais. Choisis action. J'ai déjà en tête, mais si vous voulez proposer aussi des idées pour Tenny, n'hésitez pas avec le hashtag Tenny sur Skyrock. N'hésitez pas à proposer des vérités pour Tenny. Hein. Allez, on verra ce qui arrive le plus, d'accord? Comme ça, on tranchera tout à l'heure. On tranchera d'ici une petite demi-heure. Balancez plus action, plus vérité. Vous envoyez avec le hashtag Tenny sur Skyrock. Sinon, toi, tout va bien? Ça va, on est là. Les journées ressemblent à quoi? Beaucoup de promos? Il y a eu de la promo aujourd'hui. Voilà, le temps de rentrer, se faire joli. Bah, tu vois, en même temps, pas grand chose, pas beaucoup d'efforts. Merci. Je suis pas sûr que le matin au réveil, ce soit une Tenny différente. Si, oh, écoute, il y a du boulot. Je vais garder certains secrets pour moi. Tu as raison. Mais ça peut être une très bonne action. Je viendrai vérifier un matin au réveil. Voilà, n'hésite pas à me la proposer demain, puisque ce sera mon tour. Entre 20h et 21h. Ce soir, c'est avec toi. Tenny, vos messages, vous les balancez. On fera un petit jeu avec toi dans un instant. On a prévu un petit jeu pour toi ce soir. Okay. Autre que le action ou vérité. D'accord. On vous attend au freestyle de Planet Rap. Il y a pour vous des Samsung Galaxy Tab 4 à choper à l'occasion de la sortie du film Pyramide qui sort demain. Et puis on débute avec le morceau. On parlait d'action ou vérité, on balance. Bon, allez, c'est parti. Allez, coup d'envoi. Passe à l'action. Skyrock. Action ou vérité, il est l'heure de faire ton choix. Quand t'entends, mais décide-toi, le destin ne t'attendra pas. L'action est vérité, ça en dit beaucoup sur toi. Que veux-tu savoir de moi? Es-tu sûr de faire de toi? Joue le jeu avec moi. Action ou vérité, il est l'heure de faire ton choix. Prends ton temps, mais désigne-toi. Mais dis-moi, est-ce que t'assumes-moi? Je mérite la vérité, les secrets ne m'attirent pas. Vas-y, garde ta langue de bois et joue le jeu avec moi. Action ou vérité, passe à l'action, passe à l'action, et dis-moi tout de toi, passe à l'action, passe à l'action, je veux le voir pour y croire, passe à l'action, passe à l'action, joue le jeu avec moi. Passe à l'action, passe à l'action. Passe à l'action. Fiction ou vérité? Oh, yo, oh. C'est le nom de ce morceau. Il a une histoire particulière ou pas ce morceau d'ailleurs, Tenny? L'histoire... C'est quoi les premières images que tu as quand tu te souviens de ce morceau? C'est au moment où tu l'enregistrais, l'écriture, le clip, c'est l'écriture. Quoi? C'est vrai? L'écriture, ouais, c'était assez rigolo. Alors, on a eu la bonne idée de faire ça sur ce petit jeu-là, d'écrire sur ce petit jeu-là, parce que tout le monde allait se retrouver là-dedans. Parce Action, qu'on a tous tout le monde joué c'est vrai qu'il y a... à ce jeu un peu con. Hein, ah, mais même parfois, on a fait beaucoup de conneries sur Action Vérité. Hein. J'imagine. D'ailleurs, je joue encore souvent à Action Vérité, c'est je te remercie. Ouais. Ah bah oui, c'est vrai, je t'ai fait jouer hier. Mm-hmm, alors, mm-hmm. Ça t'a plu. Mais en même temps, si tu joues souvent, ça va. Hein. Tard le soir, je joue. Oh là là, moi, je suis pas dedans. Excuse-moi. Tu participes pas à ces jeux tard le soir? Ah non. D'accord. Non. Bon, bah, je les garde pour moi. Je les garde pour moi et mes amis. Tant mieux pour vous. Vas-y, démerde-toi. Donc, ouais, Action Vérité, tu te dis, tiens, ce jeu-là, il faut que je le propose en musique. Ouais. Et t'as écrit avec quelqu'un celui-ci ou... Non, je l'ai écrit seul dans le bureau de mon directeur artistique qui refusait de m'ouvrir la porte de son bureau tant que j'avais pas terminé. Et pardon, rappelle-moi le, si c'est le même que je connais. C'est le Vladimir, oulala, Vladimir Pandolfo. Le Pandolfo personne qui m'a enfermé dans son c'est bureau. C'est lui, il a osé de faire ça? Bah écoute, c'était une bonne idée, non? Alors que le mec court les bars le soir tard. Pour soi-disant trouver des artistes, toi, il t'a repéré comment d'ailleurs, Vlad, c'est... J'ai été toqué à la porte de son bureau. Ah, t'as toqué un jour? Ouais. Il est arrivé, oh. Avec Julio qui est juste derrière moi. Mm-hmm. Et voilà. Il t'a dit, j'ai un truc qui défonce. Sur Action Vérité? Non, c'est quand t'es arrivé dans le bureau, t'avais quoi? T'avais une maquette? On avait une maquette, je pense que Julio l'a appelé, lui a dit, écoute Vladimir, il faut absolument que je te présente à une artiste. Et donc on s'est pointé un beau jour chez Warner, on avait rendez-vous et voilà, il est venu nous chercher dans le lobby. Vlad est arrivé à 18h pour normalement 14h le rendez-vous. Ah non, Vlad il est très ponctuel, attention. Hein. Attention, moi je me fais bien taper sur les doigts. Je te sortirai des dossiers sur Vlad, t'inquiète pas. Ah merci. On fera des actions en vérité, tu vois. Sacré pile. Et donc bien accueilli, il t'a dit allez vas-y on y va, on fonce. Ouais. C'est vrai comme ça? Non vraiment, ça s'est passé, ça s'est très très bien passé comme sur des roulettes et c'était d'ailleurs mon meilleur rendez-vous pro. T'as eu beaucoup de propositions justement. Est-ce en que tout ça cas, s'est j'ai agité eu, J'ai eu la meilleure proposition. Voilà, t'as eu la meilleure proposition. C'est bien, voilà. Bien répondu. Et le résultat, c'est donc un EP qui est sorti hier. C'est ça. On l'a dit avant, un album qui sortira un petit peu plus tard. Et qu'on découvre cette semaine. On va passer un morceau qui s'appelle Femme Indé, mais je voulais que tu présentes aussi, puisqu'il y a des gens autour de nous. Là ce soir, il y a un orchestre philharmonique qui est arrivé. Alors, on a Glory qui est avec moi. Yo. Ça va Glory? Ça va très bien. Un jeune artiste qui fera beaucoup de bruit, j'en suis sûre. Très prometteur. Comme ton équipe de Buzz Lab hier qu'on a reçue. Ouais. Aujourd'hui, ça va être un peu plus calme. Donc Glory... Glory qui a collaboré avec moi sur cette EP, Sur le Temps. Sur le Temps, c'est un morceau qu'on passera aussi ce soir, ouais, d'ailleurs. Et on écoutera aussi un titre à lui que j'adore. Et voilà, j'espère que les auditeurs ils vont bien aimer. Bah, Glory, j'ai envie de te demander un petit CV express. Qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu vas faire. J'ai 25 ans, je suis auteur-compositeur. Je fais de la musique depuis que j'ai 15 ans. Je suis dans le milieu professionnel, on va dire, depuis 2010, pardon. Mmh. Et ça fait depuis 2 ans maintenant que je prépare mon projet solo. Et il y a un EP qui est prêt normalement pour la rentrée. Et tous les deux, vous êtes connectés? Vous êtes connectés comment tous les deux? Avec Tenny, on s'est connus, ça fait 3 ans, grâce à Julio. Julio qui est Montréal. Qui a composé sur le EP et qui est mon producteur. Et c'est comme ça qu'on s'est vu en studio et qu'on d'où a commencé à travailler ensemble. Ouais. Donc bonne connexion. Très bonne connexion. Et c'est pour ça que Glory est là. Et il y aura du live d'ailleurs ce soir. Il y aura du live. Je lui ai proposé préparé une petite surprise sur un de mes morceaux. On fera un petit remix pour Tenny. Ouais. Très ça bien. Ça va être cool. Et en même temps, je disais, oui, il y aura forcément du live puisque. Il y a une guitare dans le studio. Ah oui, et quelqu'un qui va derrière aussi la guitare. Hein, parce que il y a mon guitariste Hugo. Ça va Hugo, en forme? Il est là. Ça va, très bien, merci. Eh ben, écoute, bienvenue dans le Planète Rap de télé. Ben, ça avec plaisir. Hugo, donc qui t'accompagne. Voilà, on fera une petite reprise de... Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Diamonds, ça te dit, toi? Diamonds, très bien. Bon, allez, on va faire un petit Diamonds de Rihanna, un bon petit classique urbain. Parfait. Hein, et voilà. Et c'est tout? Un seul? Un seul, veux un autre? Bon, allez, on verra. Qu'est-ce qu'on fait Bon, on le saura en tout cas avant 21h sur Skyrock. On balance un morceau, Tenny. Le morceau Femme Indé. Allez, et c'est puis parti. Après, j'ai un petit jeu pour toi. Ok, cool. Qui est autre qu'Action Vérité. Allez, c'est parti. Tenny, notre invité. Le EP s'appelle Mal. Il est dans les bacs depuis hier. Pour toutes mes femmes indépendantes. Yeah. Qui a écrit, qui a décidé que ça devait se passer comme ça? Passer comme ça, passer comme ça. Comme un dépressif décidé au micro, ça donne ça. Ça donne ça, ça donne ça. Le pouvoir aux femmes, mais pas la femme au pouvoir. Si on échangeait les rôles, si on inversait pour voir. Enfin, disent qu'on a raison, avant refuse de nous croire. Et on révisait la façon de nous voir. Dis-leur qu'on est des plans A, y'a pas de plan B. On verra si tes volages les ailes plombées. Il serait temps de réviser la façon de nous voir. Aujourd'hui sonne le début d'une nouvelle histoire. Donc pour le maintien de la paix, les machos faut zapper. Oui, les femmes ont changé, forcé de le constater. Donc pour le maintien de la paix, les femmes battues c'est le passé. Il n'est pas question que ça continue comme ça. Qui a écrit, qui a décidé que ça devait se passer comme ça? Passer comme ça, passer comme ça. Comme un dépressif décidé au micro, ça donne ça. Ça donne ça, ça donne. Je paye ma peau coudée comme mon loyer. Talons aiguillés, ongles manicurés. Ni assistants, ni laissés aller. Que toutes les femmes indépendantes. Au pouvoir, si on échangeait les rôles, si on inversait pour voir. À la fin, disent qu'on a raison, avant refuse de nous croire. Et si on révisait la façon de nous voir. Donc pour le maintien de la paix, les machos faut zapper. Oui, les femmes ont changé, forcé de le constater. Donc pour le maintien de la paix, les femmes battues, c'est le passé. Il n'est pas question que ça continue sur Skyrock. Je paye ma propre bouteille comme mon loyer. Toutes les femmes indépendantes. Qui a décidé que ça devait se passer comme ça? Passer comme ça. Panic Skyrock. Comme un dépressif décidé au micro, ça donne ça. Ça donne ça. Ça donne ça. Sur Skyrock, sur Skyrock, sur Skyrock. Hey, pour toutes mes ladies. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Tenny et ce morceau donc qui s'appelle Femme Indé qu'on retrouve sur le EP. Exactement. EP qui est sorti hier. Tenny, vous la retrouvez aussi en première partie de MP. Yes. Ça approche. Ça approche, c'est trop bien. C'est les 12 et 13 juin au Zénith de Paris, mais sinon t'es à partir du 20 mai. Voilà, on commence le 20 mai, c'est bientôt. À pas louper à partir du 20, t'es tremblote un peu ou ça va? Ou un peu beaucoup, hein. C'est quand même une grosse pression. MP, son show, il est extraordinaire. Très carré. Faut assurer. Donc toi tu seras en première partie à partir du 20 mai. Ouais. On aura aussi l'occasion d'en reparler durant cette semaine entre 20 et 21. Je t'avais prévu un petit jeu, Tenny. Dis-moi tout. Avec l'équipe de Skyrock, mes deux Fab qui sont là. Momo, t'as rien fait, non? Non, pas bossé, Momo, comme d'hab. C'est une espèce de petit quiz en fait. Okay. Qui s'appelle le quiz C'est mieux où? Comme toi, tu as vécu un peu partout, en France, okay, en Afrique, au Sénégal. Okay. On le disait hier à Hong Kong aussi, avec le continent un peu plus asiatique. Donc c'est mieux où? Par exemple, pour manger. Pour manger, c'est mieux où? Au Liban. Ah bah oui, c'est vrai que tu as été aussi au Liban et ça fait partie de tes origines. Ah, la meilleure nourriture au c'est monde. Vrai. Ça, c'est les petits kiffs, tu le fais aussi? Tu connais un peu ou pas? Moi, j'adore. Qu'est-ce que tu aimes bien chez le Liban? Les petits trucs là, tu sais, les remplis de soit de fromage, les petits mezzés, les machins. Les taquettes et tout, c'est trop bon. Hein. Attends, là, c'est l'heure du dîner, vas-y, quoi d'autre? Quoi de bon chez le Libanais? Chiche Taouk, tu connais? Ouais, j'adore. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Manaïche, tu connais? Manaïche. Ça, c'est pour le petit-déj. C'est lequel, le manaïche? Alors, c'est une espèce de pâte avec du thym et des sésames dessus. Bon, allez, on se casse. Désolé, on va finir l'émission un peu plus tôt. Bon, alors, c'est la dernière fois que t'as dîné ou déjeuné libanais, c'était quand récemment? Avant-hier. Ah, c'était avant-hier. Donc, moi, je suis une habituée chez Liban. C'est vraiment c'est un truc que t'aimes beaucoup. Ah oui. Donc, pour manger le Liban, pour draguer? Moi, je drague pas. D'abord, bah, pour draguer. Au jour d'aujourd'hui, on peut draguer même sur Internet, donc international. Afrique, peut-être un peu, non? Pas forcément. Non, c'est vrai? Non, draguer, c'est langage universel, la drague, non? Non, mais quand je pense à draguer, il y a forcément aussi la danse qui va avec. C'est vrai qu'on danse mieux en Afrique qu'ici. Enfin, T'as envie que je dise que pour draguer, c'est mieux en Afrique? Non, non, c'est là où tu veux. Franchement, moi, je dirais... Mythique.fr. Voilà, ok. Fais-nous croire que t'es sur Mythique. Bien sûr que oui. Pour étudier, alors je sais que Maastricht, vous connaissez Maastricht? Bah ouais. C'est en Hollande, c'est une belle ville étudiante. Tu y étais aussi, toi, t'as fait? J'ai failli faire mes études là-bas, moi, parce que j'ai fait l'école internationale de Mol, qui est juste à côté. C'est entre l'Hollande et la Belgique. Et donc voilà, fallait s'inscrire dans les universités un peu aux alentours. Et Maastricht, c'est une très belle ville universitaire. D'accord, donc pour étudier, on ira en Hollande, ça m'arrange très bien. En plus, c'est un très beau pays qu'on aime beaucoup. T'as tout compris. C'est mieux où les plus beaux paysages? Oh là, ça va être compliqué parce que tu vas te griller qu'une partie de tes racines ou de là où tu as été. Bah alors je vais faire simple. Je vais gâter mon pays natal qui n'est pas beaucoup gâté en ce moment, la Centrafrique. C'est un pays magnifique. C'est vrai, c'est beau. Oh, il y a des beaux paysages, vraiment des belles collines, de la verdure. C'est vraiment c'est la nature à l'état pur encore. C'est encore un peu sauvage parce qu'il n'y a pas beaucoup de construction dans ce pays. Donc on voit vraiment la beauté de l'Afrique, la beauté de la nature. Bon, je suppose que t'as pas pu y aller récemment en Centrafrique, c'est un peu compliqué. C'est très chaud, ouais. La dernière fois que j'étais, c'était l'année dernière, donc ça va. J'étais en mai 2014, c'était pas il y a si longtemps que ça. Et pareil, tu reviens avec plein d'images en tête. Ah oui, toujours. On continue ce quiz, c'est mieux où la vie ou là où la vie est la plus facile? La vie n'est jamais facile. C'est vrai, cher. C'est dur. Ah oui, c'est dur partout. Partout. Et le pire, c'est que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, donc... Surtout à Maastricht. Ok, on a bien compris. Le quiz, c'est mieux où? Les gens. L'ambiance, les gens, la chaleur humaine, c'est... Alors, beaucoup parlent de Londres. Les gens à Londres, ils sont très détendus, très fêtards. J'étais à Londres. Après, ou d'autres. La Thaïlande, ils sont très très gentils. Après, il y en a qui apprécient moins parce qu'ils trouvent que ça fait faux. C'est un pays centré sur le tourisme. Mais moi, j'adore ce pays et je trouve les gens très accueillants et vraiment aimables. Ça donne envie d'y rester. Mon papa, il y vit d'ailleurs. Il vit en Thaïlande? Oui, il vit à Pattaya. Eh ben, il a bien raison. Il y a une adresse, le papounet? On peut lui rendre visite. Continuons ce quiz, c'est mieux où la musique? C'est mieux où la musique? La musique... C'est mieux où la musique? Alors, à Dakar, il y a une très belle scène musicale, notamment urbaine. Je pense que c'est l'un des pays d'Afrique d'ailleurs qui se développe le plus niveau musical. C'est connu Dakar, toute la richesse culturelle. Donc le Sénégal. Le Sénégal parce qu'il y a des groupes qui me touchent énormément, comme Daradji Family. C'est un groupe vraiment extraordinaire. Moi, à mes oreilles, ça me fait quelque chose. Donc j'adore la musique africaine de toute façon. Mais je dirais le Sénégal. Donc ouais. Sénégal. Ça m'a beaucoup apporté moi musicalement. C'est mieux où la météo? Bah, à Miami. Non? Ouais, enfin après, t'as Ah oui, à Miami, aussi. Non, oui, j'ai fait quoi? Allez, 9-10 mois à Miami. 9 mois, 10 mois. Et. T'étais partout en fait, toi. Je pensais qu'on a été à Hong Kong, la Centrafrique, Dakar, mais en fait, t'as été partout. Là, il y a Londres, il y a Maastricht, il y a Miami. Non, Miami, ouais, il fait trop beau. Hein. Même quand il pleut, il fait beau. Il pleut 5 minutes et voilà. Ensuite, t'as l'arc-en-ciel et le grand soleil, les 35 degrés. Ça tue. Ok. C'est mieux où pour s'amuser? C'est mieux où? Les endroits où tu t'es le plus déliré, où tu t'es le plus éclaté? Alors, moi, je m'amuse vraiment quand je suis entourée de bonnes personnes. Donc, on peut être. On peut être dans une ville où on s'éclate le plus parce que voilà, il y a des clubs, il y a des ci, il y a des ça, mais quand on est mal entouré, on s'amuse pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais je m'amuse beaucoup. Alors, c'est pas à cause des clubs, je tiens à le dire, mais je m'amuse beaucoup à Ibiza. Pourquoi? Parce que mon amie d'enfance, c'est vraiment ma plus vieille amie. On se connaît depuis que j'ai 6 ans, on a grandi ensemble à Hong Kong. Elle est installée à Ibiza, donc chaque été, j'ai pour l'habitude d'aller la rejoindre. Et qu'est-ce qu'on s'éclate? Mais vraiment, entre copines, on sort pas. On va à la plage, on se prend des verres, on fait des petits bars à tapas où il y a de la musique. Toujours un bon moment, j'adore. Ibiza, j'adore. En route cet été pour Ibiza, très bien. Et enfin, le dernier dans ce quiz, c'est mieux où? Pour grandir, pour faire sa vie et pour la finir. Ah, le Sénégal. C'est vrai? Ah, c'est mon pays. C'est ton pays, ouais. J'ai l'impression, ouais. Truc particulier avec le Sénégal. Ah ouais. Sénégal, alors il faut résumer avec la bouffe libanaise, faut amener tout ça là-bas. Mais déjà, les Libanais, comme on aime bien dire en Afrique, les Libanais sont versés partout en Afrique. Donc la bouffe libanaise, on en trouve. Hein. Donc bouffe libanaise au Sénégal avec petite pointe de Thaïlande, le soleil de Miami, bon à Dakar généralement ça va. Ça va. T'es plutôt gâté là-dessus. Ouais, ça va. Et puis la copine d'Ibiza qui se ramène aussi, donc voilà, on sera au top. Voilà la vie parfaite. Merci Tenny, dans un instant on va revenir avec un de tes morceaux. Juste avant, tiens, juste avant de passer aussi au freestyle par téléphone et de balancer un petit peu de pub sur Skyrock, on se fait un son de Rihanna, ça te va? Rihanna, ah, t'aimes bien? On fait quoi? Bitch, better have my money. Hey yo, j'adore. Eh ben, c'est parti. Rihanna à l'instant sur Skyrock et Tenny, notre invité. Le EP est sorti hier, il s'appelle Mal. Yeah, yeah. On va mettre un morceau dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on met? Le temps, je crois. Ah, bah le temps sur lequel j'ai collaboré avec Glory. Voilà. Yes. Le morceau, on retrouvera Glory aussi. T'as été venu avec un inédit, hein, toi. Je suis venu avec un inédit, ouais. Une tuerie. C'est vrai? Une tuerie. On va pouvoir le découvrir dans un instant. Yes. Ne bougez pas, le Planète Rap de Tenny revient. Non, je voulais juste qu'on dise un petit mot en tout cas sur Rihanna. Qu'est-ce que t'écoutes beaucoup, toi, Tenny, comme son? Moi, j'écoute de son de Rihanna? Non, pas que Rihanna, de tout en ce moment. Moi, j'écoute vraiment, j'adore Rihanna. Donc, Beach Ballet Have My Money, c'est dans ma playlist en ce moment. Parce que, c'est le truc qui tourne beaucoup. J'écoute beaucoup. Bon, j'aime bien écouter mes classiques aussi. L'album de Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill. Magnifique. Ça quitte jamais mon iPod. Mmh. Donc, voilà, dès que j'ai un petit moment, besoin d'étendre, besoin d'énergie. Un petit coup de X Factor. Exactement. X Factor, je crois que c'est Zion. Mmh. Est-ce magnifique. Que je vais pas te faire un petit live de Zion, tiens, un jour? Moi, je suis prêt, hein. Qu'est-ce que j'écoute d'autre? J'aime beaucoup Sia aussi. Elle a une voix qui dégage tellement d'émotions. Moi, ça m'inspire vraiment. Et voilà, après, il y a les classiques. Hein, le Drake, le dernier Drake est bien. J'écoute un peu de Kanye. Jigman, les classiques de B.I.G. toujours. J'adore. Très bien, et bah, ne loupez pas non plus le Action ou Vérité. Je te posais ces questions, tu comprendras tout à l'heure pourquoi. Entre 20h et 21h, on est avec Tenny sur Skyrock. On revient dans quelques minutes. Glory est là aussi, il y aura du live avec toi. Tu nous feras morceau acoustique. Yeah. La reprise qu'on peut retrouver. Non, c'est pas American Boy que tu nous fais. C'est un morceau de Rihanna, Diamonds. Justement. Bah oui, on va faire Diamonds aujourd'hui. Et bah ça arrive dans un instant. Et on vous attend au freestyle de Planète Rap juste après ça. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Tenny pendant une heure complète ce soir. Planet Rap Tenny. Tenny sur Skyrock. Tenny sur Skyrock. J'essaie de t'oublier, mais mon cœur est tatoué à l'encre des douceurs qu'on s'échangeait. Le vide est abyssal. La douleur infernale. J'essaie de t'oublier, mais tu me manques. Yeah. Les yeux fermés, je ne vois que toi. Entre nous, reste-t-il un peu d'espoir? Le temps s'en... Le temps s'en mêle et m'emmène. Nos souvenirs reviennent comme un écho. Oh, j'étais dans la peau. Le morceau s'appelle Le Temps, vous le retrouvez sur le EP qui s'appelle Mal de Tenny. Tenny, notre invité tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Et donc le morceau où tu as collaboré avec Glory. Oui, et on fait un gros bisou à Landry qui est le troisième collaborateur. Qui a collaboré avec nous. Qui est même d'ailleurs le premier, tu vois, qui est à l'origine du titre même. Mm. Et voilà. Et ben, on le salue, Landry. Ouais, on le salue, on fait un petit coucou. Et Glory, vous allez pouvoir aussi le découvrir dans un instant. On balancera donc, c'est un morceau qui s'appelle Glory. Hold Up. En fait, elle a écouté pendant qu'on collaborait ensemble sur donc, Le Temps et d'ailleurs son album. Et c'est mon elle m'avait promis que du coup, si elle faisait Planète Rap, elle m'inviterait. Donc, elle a tenu sa promesse. Ah, non, mais c'est cool. Ah, mais ça, je sais. C'était une histoire. Est-ce qu'elle va par contre tenir son action ou vérité dans un instant? On va le savoir. Ma vérité, tu veux dire? Ton action. À ton action, j'en ai un petit truc bien. Enfin, avec toute la classe que tu connais et que tu commences à connaître. Avec le bonhomme en face de toi, t'inquiète pas, ça va être très bien. Dans un instant, ce sera action pour Tenny, notre invité, entre 20 et 21. Et juste avant, je vous présente, c'est Tonton Perrault de Fréjus. Ok, ouais. C'est bien ça, Tonton Perrault? C'est ça, moi je veux action vérité, je veux la vérité. Bien ou bien, Tonton Perrault? Ça va. Qu'est-ce que tu veux savoir, Tonton Perrault? Vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu... Est-ce qu'elle est célibataire? C'est une première question, j'ai vu que sa photo. Ah non, je ne suis plus célibataire depuis un petit moment. Depuis hier, depuis qu'elle fait Planète amoureuse. Rap. Je suis désolé, Tonton Perrault. C'est elle la nouvelle meuf à Rof, non? Ah putain, Tonton Perrault, il est arrivé, genre. Ouais, action, vérité, tout en même temps, et on finit avec c'est la meuf de Rof. Moi j'ai des petites infos en exclu. Ouais, tu t'es trompé, mon frère. Eh ben, Tonton Perrault, tu t'es planté. C'est pas grave, on va t'écouter rapper, on va voir si tu vas nous balancer quelques punchlines dans le freestyle maintenant par téléphone. On va essayer. Hein. On t'écoute, il y a pour toi le Samsung Galaxy Tab 4 à l'occasion de la sortie du film Pyramide, film qui sort demain, produit par Alexandre Aja, réalisateur de La Colline à des yeux. On t'écoute, c'est parti. Un pont sur la voie de gauche. Je nique les voies droites, d'entrée de jeu. Je laisse la concurrence au bestiaire dans le jeu. En l'occurrence sur la touche, nah. Titulaire à part Dieu, en ma connaissance, aucun témoin oculaire. Ramène-moi Rihanna. Moi je veux rayonner. Comme le soleil, on est peut-être sur cette terre pour rayonner. Marion, Marie, Marianne, bon caster baïonner. Toujours croire en ce qu'ils te promettent. T'as fini criblé de balles en jouant avec le prophète. Tandis que ça touche un peu à la balle et ça touche des gros chèques en bois. Comme c'est MC, ramène-moi Nabila, IM et je ferai un hlel sur M6. Haha, sûrement pas un ange, j'ai un petit côté diablotin. On perdra pas aux chances, car une putain reste une putain. Tu croyais pas en nos chances? Hey, on en a mis à plus, bien plus d'un. Tonton Terreau sur instru, ça fait toujours bon ménage. Travaille un peu tes méninges, dis que Jean-Marie et Marie-Jeanne légalisons. J'ai ma taille de Jack, appel j'ai prêt pour les glaçons. Entrée gratuite pour les filles, donc c'est une grosse asma pour les garçons. Chez nous pas d'American boy, mais des afro gang, bang, bang, bang. C'est pour le petit décédé à trappe. Avant de passer à la trappe, faudrait déjà que tu penses à m'attraper. Avant le massacre, 83, t'es dans mon sol. Inconnu, t'es pas le bienvenu en PAC. Des détenus, on les compte en paquet au poste. Trouve le bon, la brute et le truand. Le bon se fait rare, la brute dérape en tue un et devient très rapidement truand. À scène, l'as des as. Avec moi, attends-toi un désastre. Attends-toi à la pudeur, attends-toi, je pue. Et j'ai mauvaise odeur, moi je tue. Et mes mots blessent au cœur. Aïe. 83 500, la scène sur mer représente. Ok, Tonton Perrault à l'instant de Fréjus. Merci à toi, Tonton. Bravo, Tonton. Mais pourquoi des American boys? Nous, on est des African boys. Ouais, écoute, moi, les African boys, là, c'est ma famille même. T'inquiète même pas. Et tu repars donc avec Samsung Galaxy Tab 4. On t'envoie ça du côté de Fréjus, tonton Perrault. Gracias, señor. À bientôt, mon pote. Salut. Ciao, ciao. Ciao, passe une bonne soirée. C'est le Planète Rap avec Tenny, avec Glory qui est là ce soir. Yes. Un autre tonton qui nous a rejoint aussi. Oui, tonton Lax. Qui était là hier soir, qui est de retour ce soir. Yeah, yeah, yeah. Bonjour tout le monde. Mais ça tu me fais une surprise. Je savais pas que t'allais te mettre à la table et tout. Merci, bah, écoute, tonton. On m'a amicalement fait signe, passe de l'autre côté, donc me voici, me voilà. Bah voilà, ouais, tonton il a compris qu'il fallait qu'il prenne le micro. Freestyle aussi, on y va? Non, on va là pour ça. Non, on va découvrir un titre maintenant, celui de Glory. Je sais pas si tu as écouté, ouais, toi. Ouais, été de temps en temps, tu vois, avec Glory en studio par rapport au truc de Tenny, ouais, j'ai écouté un petit peu certains titres. Et bah là, il est venu donc avec. C'est un titre en exclu, c'est ça? Ouais, c'est un titre en exclu que je prépare pour cet été, mon projet personnel. Donc il va sortir là d'ici quelques d'ici mois. D'ici un mois, ouais. D'ici un mois. Et on exclut maintenant sur Skyrock. On découvre donc Hold Up, c'est aussi le coup de cœur de Tenny, puisque Tenny est Zazie. Il faut absolument passer ce morceau. Allez, on y va. Skyrock. Planète Rap, Tenny, yo. J'suis entré dans ton cœur en mode hold up, hold up, hold up. Et maintenant tu me textes en mode non-stop, non-stop, non-stop. T'es le champagne magnum rosé, carré VIP fait-en chez toi. Nuit blanche, sommeil perturbé, j'te laisserai pas rentrer sans moi. Tu sais que j'ai ce qu'il te faut, ouais, ne résiste pas. T'es dans le style et mots, ouais. T'inquiète, tu comprendras. J'ai entré dans ton cœur en mode hold up, hold up, hold up. Et maintenant tu me textes en mode non-stop, non-stop, non-stop. J'ai entré dans ton cœur en mode hold up, hold up, hold up. Rien que toi et moi, we're just one night. Toi et moi, we're just one night. J'ai entré dans ton cœur en mode hold up, hold up, hold up. Et maintenant tu me textes en mode non-stop, non-stop. Dis-moi où veux-tu qu'on s'en aille. Grosse, gros son, vitre teintée. Je te laisserai pas rentrer sans moi. Tu sais que j'ai ce qu'il te faut, ouais. Ne résiste pas, no. Tout est dans le style et mots, ouais. T'inquiète, tu comprendras. J'ai entré dans ton cœur en mode hold up, hold up, hold up. Et maintenant tu me textes en mode non-stop, non-stop, non-stop. J'ai entré dans ton cœur en mode hold up, hold up, hold up. Non-stop, non-stop, non-stop. Yo, Planète Rap, Tenny. Yo, ça fait. Hey, hey. Avec Mal, on va faire un hold up, hold up, hold up. C'est du lourd, faut l'écouter. Non-stop, non-stop, non-stop. Avec Mal, on va faire un hold up, hold up, hold up. C'est Tenny et Glory, ouais, sur Skyrock. Tenny et Glory, ouais, sur Skyrock. Hold up. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yo, yeah. À l'instant, donc, Glory qui fait partie des coups de cœur. Alors, c'est pas une tuerie, ce son? Grosse tuerie, regarde aussi les messages, les réactions, ouais, pas mal. Plaisir, vas-y, ouais. C'est un super son, trop hâte de découvrir ton album. Le son est lourd, c'est Human Leveilleur qui nous envoie ça. Passer le titre de Glory, bah ça y est, on vient de le passer. C'est balancer, cool, c'est cool. Merci à tous pour vos messages. Gros bisous à ma Tenny Tribe, ma Tenny Army, mon Tenny Gang. Attends, j'ai une tribu, j'ai une armée, j'ai un gang. Waouh, ouais, là, ils vont tous me suivre en plus, donc c'est vraiment cool. Alors vas-y, balance, où est-ce qu'on peut te suivre, Glory, justement, pour les gens qui veulent avoir plus de renseignements. Sur mon Instagram, Glory Music, sur mon Facebook, Glory Music, et sur mon Twitter, @officielglory. Et bah allez-y, allez suivre Glory. Et c'est avant l'été, donc, hein, ce morceau, tu le balances avant l'été? Dans un mois à peu près, ouais. Dans un mois à peu près. On sera en plein dans l'été. Un morceau qui s'appelle Hold Up. Yes. À l'instant sur Skyrock. Dans quelques minutes, il y a le Action de Tenny qui va se dérouler. Bon, j'avais dit vérité, mais bon, c'est pas non, grave. Non, moi j'ai dit Action. Et... Souviens-toi ce que tu m'as fait avec la revanche. Ah, j'ai morflé, hein, toute la nuit, j'ai morflé. qui est assez terrible en plus, c'est que juste derrière j'ai retweeté un truc en disant que c'était une connerie. Hein. J'ai dit, putain, Tenny, mais. Compte piraté par Tenny, ouais. J'ai vu. Sauf que quand tu vois le nombre de retweets différents entre l'aller, l'OM et le compte piraté, t'es dégoûté. T'es dégoûté. Il y a un maximum d'aller l'OM et après, je sais pas, ils ont pas repris l'autre. Je sais pas pourquoi. J'ai hâte d'entendre la vengeance. Ouais, ça va être un truc bien. Dès que tout. Classe. Très, très classe. Tiens, justement, souffle, c'est l'heure du live. T'es prête, Tenny ? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau ? On fait Diamonds ? C'est ou American Diamonds ? Diamonds, c'est parti, on y va. Version acoustique de Diamonds. Shine bright like a diamond. Hey, find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the light inside your eyes. Tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. That we become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the light inside your eyes. Like a diamond, beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. L'instant. Merci. Magnifique. Merci. On peut pas s'arrêter là. On fait quoi ? American Boy, ça te dirait toi ? Bah ouais, American Boy, ça serait bien. Allez, petit coup parti. D'American tout Boy. Tout de suite, là, on enchaîne ? Bah on enchaîne. Allez, non ? On enchaîne. Un petit live d'American Boy. Champion sound. We're about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Tell the promoter we need more seats. Just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd love to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I'm digging this American boy, American boy. Hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. I love the way he's speaking, his confidence is reeking. Don't love his baggy jeans, but I'ma love what's underneath it. And you à l'instant en live. Merci. Avec Tenny, c'est d'ailleurs cette version on la retrouve aussi hein, sur le EP. Sur le EP, il y a une version aussi d'American Boy avec Tenny. Le EP il est dispo depuis lundi, depuis hier. C'est il s'appelle Mal et on peut le commander mal, tout de suite et avoir les sons mal. Tout de suite. Ça va faire mal. En attendant un album qui arrive, tu nous l'as dit, Ying et Yang. Ying Yang qui arrive fin de l'été. On attend ça avec impatience. T'es dessus. En tout cas, tu bosses dessus en permanence. Absolument. Merci, c'est Hugo. Hein, c'est merci ça Hugo. Merci Hugo. À la gratte. Eh bien, merci à vous, c'est un plaisir. Un message, il y a quelqu'un qui a envoyé un message en disant putain, Tenny est venu avec Francis Cabrel. Eh ouais, c'est moi. Et voilà, c'est Hugo Cabrel. Il est là aussi avec nous dans le Planète Rap entre 20 et 21. Je crois qu'il est grand temps maintenant. Et avant de finir avec un titre inédit. Merci Tenny. Chloé Tal, Romy. Non, à toi, merci beaucoup. Voilà, merci Chloé. Regarde-moi. Dis-moi. Hier, tu rappelles ce que tu as fait dans le jeu, ce jeu brillant dont tu as eu l'idée. Action vérité, rappelle ce que tu m'as fait. Alors, je t'ai fait tweeter Allez l'OM. Voilà. Alors que je suis un grand fan de PSG. Ça a été très dur, très violent. Qu'est-ce que tu vas me faire ? Prends ton tweet, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas me faire tweeter ? Prends ton Twitter, s'il te plaît. Attends, j'ai pas amené mon téléphone, faut que tu me dises d'abord. Mytho. Comme ça, je me connecte sur Twitter, sur le téléphone. Mytho. Non, pas sur le. Il est où ton téléphone ? Oh mon dieu. Allez, va chercher ton téléphone et dans un instant, voilà, mets-toi sur Twitter. Tu me dis quand il y est. Momo, filme, s'il te plaît. Ah oh là qu'on là. Voit bien la preuve qu'elle le fait, s'il non, te plaît. Non, mais attends, d'abord, dis-moi ce que c'est. Va sur. Dis-moi quand tu seras sur ton Twitter. D'accord, après, je t'explique. Je suis sur mon Twitter. D'accord, là, tu fais @ le hat, hein. Ouais. Après, je vais appeler, tu fais. Tu fais le petit A. Ça oui, y est, c'est bon je fais le donc, c'est pour une personne à qui tu veux envoyer ça. D'accord. @KIM. K-I-M. K-I-M. M. Voilà, tu l'as attaché. K-A-R. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que j'envoie à King Kardashian ? J'adore ton boule. Alors, non, j'ai une beaucoup plus classe que ça. Alors, I love your boule. Mais c'est pas ça, ce n'est pas ça si ça compte pas. Ça y est, tu l'as ? Oui. T'as King Kardashian ? Ça y est, j'ai tweeté I love your ass. Non, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Ça compte pas, donc tu peux tweeter ce que tu veux. Maintenant, tu vas tweeter en anglais. Super coup, ton mec. Ça va pas longtemps. Allez, démerde-toi. Allez, hop, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qui est parti ? Le tweet à Kim Kardashian, c'était ça l'action ? Tweeter Kim Kardashian ? Non, c'était super coup, ton mec en anglais. Beautiful coup et. Yora Clo. En anglais. C'est fait. Tant pis, on vérifiera. Pendant qu'on vérifie, on va écouter un morceau, Tenny. C'est un titre inédit, c'est ça ? Lequel ? C'est bien ça, c'est un morceau inédit, non ? Jusqu'au bout de la nuit. Ah ! On me dit dans l'oreillette. Ah bon ? Tu voulais pas le balancer maintenant ? Oh, pourquoi pas ? Ça va très bien avec le tweet que je viens de m'envoyer. C'est un petit titre d'été. T'es vraiment tordu. Ouais, un vrai tordu. Ça a bien fait pour toi. Ça va monter crescendo en plus. On a encore quelques jours à passer ensemble. J'espère que t'as pas peur pour ta vie. Hein. Ah non, j'ai peur de rien. Ah bon ? Ok, on verra ça. Ah, ça demain. on met donc ce morceau. Parle-nous un peu de ce morceau qui figurera lui plus tard sur l'album, hein, c'est ça ? Plus tard sur l'album. Donc c'est un inédit qui a des beats un peu. Enfin, pardon. Lui aussi. Qui est sur un beat un peu afro-caraïbe qui fait danser, très été, très fun. Vraiment un feel good track. Sur lequel j'ai aussi collaboré. Ah bah Glory, Glory qui revient. Elle a oublié, tu veux aussi tweeter à quelqu'un, Glory? On a un. Non, justement, mais c'est pour ça qu'on l'écoutait aujourd'hui. Oh, ouais, elle a oublié, je crois. Autant pour moi. Non, mais c'est cool, c'est vraiment. Elle est un super perturbée, titre faut pas lui en vouloir, elle est perturbée. Non, il n'y a pas de soucis, Mais c'est vraiment un super titre sur lequel on a collaboré, dansant et tout, et le texte est vraiment fun. Et ben on l'écoute maintenant? Allez, c'est parti jusqu'au bout de la nuit. Allez. Ça figurera sur l'album qui sortira un petit peu plus tard à la rentrée pour Tenny. Jusqu'au bout de la nuit, on s'appelait saucé, on augmente le son et on danse sur le tempo. Comme ça la vie, on s'appelait saucé. Vas-y, augmente ton son, que ça soit pop rock ou dancehall. Oh na na na na. Oh oh oh na na. Dans mes pensées, pourquoi mes sourires se cachent derrière les fleurs? Faut que je retrouve au fond de moi. Où est-ce que le bonheur s'est caché? Faut que je retrouve l'envie de m'appeler. Faut continuer d'avancer. Les jours on en a tous. Faut pas se laisser abattre. Car au final, ça peut rendre fou. En toi, compte la chance que t'as. Jusqu'au bout de la nuit. ne plus écouter mes doutes et mes peurs. Faut que je fasse le vide autant de moi. Car le bonheur est de notre côté. Faut pas que j'arrête de rapper. Yeah, yeah, yeah, yeah. Jusqu'au bout de la nuit, on s'appelle souci, on augmente le son et on danse sur le tempo. Comme ça la vie, on s'appelle souci, on augmente ton son, que ça soit pas propre. Sur Skyrock, Tani, Tani, sur Skyrock, avec Baby. Tani sur Skyrock. Jusqu'au bout de la nuit, on s'appelle saucé, on augmente le son et on danse sur le tempo. Comme ça la vie, on s'appelle saucé, et augmente ton son, que ça soit pas propre. Jusqu'au bout de la nuit, on s'appelle saucé, on augmente le son et on danse sur le tempo. Comme ça la vie, on s'appelle saucé, et augmente ton son, que ça soit pas propre. Tenny avec nous et ce morceau jusqu'au bout de la nuit à l'instant. Donc Glory qui a bossé aussi, qui est là aussi avec nous. Yes. Ce soir dans la planète. Elle est contente de son petit coup qu'elle vient de faire. Là. Mais c'est tu pas grave, tu sais quoi. Tu t'es refait pirater là. Non. Parce que tu sais quoi. Déjà, tu n'as pas été explique, fair-play. Explique ce que tu as fait. Explique ce que tu viens de faire. Alors, je t'avais demandé, explique. C'était ton action du jour. Moi hier, je l'ai fait. J'ai marqué aller l'OM. Alors les gens, je vous explique. Non, je raconte aussi, je raconte juste. Action vérité. On demande action ou vérité. Et ben moi mon action Fred, c'était il a choisi action, moi j'ai choisi vérité. Maintenant monsieur il décide aujourd'hui qu'il allait me donner une action. Non, on était d'accord sur l'action. Ah, on était d'accord sur l'action. Mais pas du tout. Et mon action était d'envoyer à Kim Kardashian ton mec un super coup. Alors, il voulait me faire envoyer à Kim Kardashian. Et tu as fait une saloperie, ton mec mais vraiment un super coup. Un truc donc, moi, vicieux. Qu'est-ce que je fais tu viens de faire un truc à Kim Kardashian. Fred Musa a dit que ton mec était un super coup. Tu vois ça, c'est vraiment, ça, c'est petit. Ça va se payer parce que demain, j'aurai le droit encore à une autre action vérité. Tu n'as pas joué. Et c'est le jeu, moi qui proposerai une fois de plus demain. Voilà, c'est des nouvelles règles, c'est comme ça. Pas juste, quoi. Alors, t'as kiffé. Je recevrai une invitation de Kim Kardashian. Bah oui, reviens à la maison. Canier. Reviens à la maison. Il t'attend. Ça, tu me le paieras, Tennis. Ouais, tu me le paieras demain, d'ailleurs. Ce sera entre 20 et 21 à pas louper. Merci pour cette nouvelle soirée. Merci, Glory, d'être passée. Merci à Tini d'avoir invité. Merci, donc, Glory. On a bien retenu, toi, c'est Glory officiel pour te retrouver parce qu'il y a des gens qui demandaient où est-ce qu'on peut entendre cette voix, où est-ce qu'on peut la voir, où est-ce qu'on peut le suivre. Alors, il y a Instagram Glory Music, mon Facebook Glory Music et mon Twitter @officielglory. @officielglory, voilà. Yes, pour suivre toute mon action. Il y a Porcelaine qui demande à quand le featuring Glory Tenny. Après l'album, on verra. Ouais. Allez. Pour l'instant, on travaille sur son album. Déjà, c'est déjà beaucoup de donc travail. Ça bosse dur. Yes. Et après, voilà, c'est long une carrière. On va faire ça bien. Merci à Glory d'être passé. Tenny, merci à toi. Merci et juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette. Skyrock Radio. Okay. Skyrock t'offre la nouvelle compile Planet Rap 2015 et un bon d'achat de 60€. Skyrock. Manon de Bretigny, comment ça va, Manon? Oui, ça va bien. Ça va en pleine forme. Est-ce que tu connais Tenny? Je viens de la découvrir, je la connaissais pas avant, mais franchement, j'adore Manon. Ta voix, j'adore ce que tu fais. Oh, merci c'est beaucoup, cool. Manon. Merci. Et ben voilà, c'est fait exprès, Planète Rap, c'est pour découvrir. Donc, Tenny est là toute la semaine, et toi, Manon, tu viens de découvrir Tenny. Voilà, c'est ça. Au top. Bonne chance pour ta roulette. Allez, la merci. Roulette, on fait tourner dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. D'accord. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case Manon. Et ben voilà, c'est fait. Il y a la compile Planet Rap 2015 où tu vas retrouver génial. Plein de morceaux inédits et les 60€ en bon d'achat qui arrivent à la maison dans génial. La poche. Tu pourras acheter absolument ce que tu veux. Ah bah merci beaucoup. Franchement, c'est cool. Très bien. Et ben, on te fait un bisou, Manon. Bisous, Manon. Bah gros bisous à vous. Je peux passer une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Bah je fais une grosse dédicace à mes parents, à mon petit frère qui sont en train de m'écouter, à Priscilla et à Mathieu, mon copain. Et ben voilà, tout le monde, ça s'écoute en famille, Planet Rap et ça voilà. reviendra demain. Bisous, Manon. Ça. Bisous l'équipe, salut. Merci Tenny. Enfin non, j'ai pas envie de merci dire merci. Toi, allez, vas-y, rentre. À demain. Ciao, à demain si tout va bien. Action vérité, demain on partira pour un nouveau jeu, mais pour une un fois vérité, de plus, ouais. une fois de plus, c'est moi qui proposerai. Et non le vérité. parce que c'est ce que j'avais choisi, moi. Vérité. Merci beaucoup, passez une bonne soirée, c'est bon. On va retrouver D-Fool tout de suite sur Skyrock qui doit être là. Et tu veux faire parler Fredo, c'est ça, Tenny? Non, mais elle a fait un coup, mais un petit coup vicieux. Ah bah vas-y, raconte, je pensais pas aussi vicieux, parce qu'en fait, c'était l'action. Donc, moi, j'ai donné une action, à savoir d'envoyer un tweet comme hier, elle me l'avait fait pour l'OM, si tu veux. Enfin, fallait demander de se mettre tout nu, des trucs comme ça. Oui, mais ça arrive en fin de semaine. Ah, d'accord, ok, c'est prévu. C'est pour la dernière, en beauté. Il t'avait pas dit, Tenny, Fredo, il nous avait parlé d'un truc. Mais vendredi, je D'accord, ne dévoile pas tout. D'accord, ok. Ah bon. Et donc elle a envoyé, je lui avais dit d'envoyer à Kim Kardashian, ton mec a un super coup. En anglais évidemment le tout. Sauf qu'elle a envoyé, Fred a dit que ton mari était un super coup. Bah, c'est très bien ça, Teddy. C'est bien vicieux, bien vicelard. Ah, encore plus de vis demain alors, 20h. Ah, j'en ai bien peur. 20h, 21h, à pas louper, c'est Planète Rap tous les soirs avec toi. D'ici la fin de la semaine, il va se passer encore plein de choses. On sera là demain, d'après ce que j'ai vu, faut pas en louper une. Allez, demain 20h. À demain. Allez, demain 20h et un petit coup de coco maintenant, c'est parti. Ah bah très bien. Allez, Genesis, vous pouvez faire un petit coup de coco, mais de parler. Hein. Genesis pour démarrer la soirée. Radio Libre, c'est parti dans un instant. Exactement, I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. Et ben ça arrive dans un instant. Otis Genesis, gros son d'Otis Genesis. Et puis ben, dès maintenant, vous pouvez nous appeler. Top départ, 01 53 40 30 20. Radio Libre jusqu'à minuit si vous voulez faire les cons avec nous. Nous aussi, on est là jusqu'à minuit avec toute l'équipe qui arrive juste après Otis Genesis. Et le Planète Rap, le retour demain 20h sur Sky. Ciao, ciao. Salut tout le monde. À demain. À demain, bis, ciao. Toute la journée sur Skyrock.